Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Ces événements eurent lieu sur la rive orientale du Jourdain, loin de l'autorité du Sanhédrin, dans la région où Hérode Antipas régnait. Les délégués ne pouvaient donc pas arrêter le Baptiste et l'emmener à Jérusalem pour y être jugé. Prière. Seigneur Jésus-Christ, merci d'être venu jusqu'à nous. Vrai homme et Dieu éternel, nous t'adorons et te magnifions. Tu t'es humilié physiquement afin que personne, à l'exception du Baptiste, ne puisse te reconnaître. Tu es humble et doux de cœur. Apprends-nous à te ressembler, à te suivre et à nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Question 17. Quel est le témoignage le plus important du Baptiste sur Jésus devant les délégués du Sanhédrin? 2. Témoignage plus émouvant du Baptiste sur Christ. Jean 1, 29 à 34. Jean 1, 29 à 30. 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Jusqu'alors, le Baptiste avait cru que Christ serait un réformateur venu purifier son peuple, vanner son blé. Un Christ en colère, la hache à la main, venu couper tout arbre malade. Pour lui, l'arrivée de Christ annonçait le jour de la colère. Lorsqu'il dit « Le Messie est parmi nous », ses disciples prirent peur en se souvenant de tous leurs péchés. Ils s'attendaient à un jugement subit qui tomberait sans avertissement. Christ, âgé de 30 ans, s'approcha du Baptiste et demanda le baptême. Le Baptiste s'y opposa en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Matthieu 3, 13 à 17. Jean voulait que Jésus lui pardonne ses péchés, mais Jésus insista cependant pour recevoir le baptême et accomplir tout ce qui était juste. Jean réalisa que le Saint était venu non pour détruire les hommes, mais pour porter leurs péchés. Il avait accepté le baptême en tant que représentant de l'humanité. La venue du Seigneur ne devait pas s'effectuer dans la colère, mais dans la réconciliation et le pardon. Alors qu'il se tenait au bord de l'ancienne alliance, le Baptiste perçut les profondeurs de la nouvelle dans l'amour de Dieu. Ce changement radical révolutionna ses conceptions. Le lendemain, lorsque Jésus revint, Jean le désigna en disant « Voyez et comprenez, ouvrez vos yeux, c'est lui !» Il n'eut pas de coup d'éclat, ni de légion d'anges. La parole de Dieu fut plutôt répandue afin que tous l'expérimentent. Ce jeune homme est le Saint tant attendu, le Seigneur lui-même, l'espérance du monde. Jean ne voulait plus que les gens restent attachés à un ancien concept du Messie, basé sur les victoires politiques et la stratégie militaire. C'était l'agneau de Dieu, humble et doux, et non pas le lion de Juda, puissant et victorieux. Rempli de l'Esprit, Jean annonça, « Ce Jésus porte les péchés du monde. Il a choisi d'être l'agneau de Dieu, symbole des rites antiques de sacrifice. Il est digne d'être le substitut de tous les hommes. Son amour est puissant et efficace, il est saint, et le reste tout en portant les péchés de chacun. celui qui était sans péché s'est fait péché pour nous, pour devenir justice de Dieu en Christ. Le témoignage du Baptiste est un point essentiel de l'Évangile, le cœur de la Bible. Il a pris conscience que la gloire de Christ se manifestait dans sa souffrance pour nous. Le salut de Christ est mondial. Il est offert à toutes les races et à toutes les nations, riches et pauvres, jeunes et vieux, lettrés et illettrés. Tous sont concernés. Il est valable pour le passé, le présent et l'avenir. Sa mort expie tout péché. Son expiation de substitution est parfaite. Depuis le premier jour de sa venue comme agneau, il a subi les influences du mal, mais n'a pas rejeté l'infâme, ni méprisé l'orgueilleux. Il les a au contraire aimés. Il savait qu'ils étaient encore esclaves du péché et était prêt à mourir pour eux. À ses auditeurs, le Baptiste proclama que l'agneau de Dieu les avait délivrés de la colère de Dieu. Il était la victime, l'agneau qui devait mourir à leur place. Ceux qui étaient présents se demandèrent peut-être comment un homme pouvait porter la faute des autres. Les paroles de Jean leur ouvrirent les yeux. Mais en aucun cas, ils ne purent imaginer la croix. Un événement étrange allait accomplir le plan de Dieu en Christ. À nouveau, le Baptiste répéta que Jésus devait accomplir ce salut, car il était le Seigneur éternel. Il est plus grand que moi, et il m'a précédé. La gloire de Christ était grande, mais son amour sur la croix a révélé le centre de cette gloire. L'évangéliste confessa, « Nous avons vu sa gloire. Il était suspendu à la croix, dans la souffrance, et a ainsi révélé la mesure de l'amour qui nous libère. » Prière. Ô Saint Agneau de Dieu qui porte le péché du monde, aie pitié de nous. Ô Fils de Dieu éternel, incarné, pardonne nos péchés. Ô humble Nazaréen qui n'a pas eu honte de nos péchés, nous t'adorons, car tu nous as aimés et tu as fait de nous des êtres complets en toi sur la croix. Nous t'aimons et nous te remercions parce que tu n'es pas venu comme un juge, mais un agneau. Nous croyons en toi, car tu as enlevé les péchés de tous les hommes. Accorde-nous la sagesse pour annoncer aux autres que tu les as rachetés. Question 18. Que signifie l'expression « agneau de Dieu » Jean 1, 31 à 34. 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Dieu appela le Baptiste, âgé de 30 ans, pour préparer le chemin de Christ et le faire connaître au peuple. Cela se réalisa par le baptême, qui transformait les gens repentants en personnes prêtes à accueillir Christ. Dieu promit au Baptiste de lui montrer ce que personne n'avait encore jamais vu, la descente du Saint-Esprit sur Christ. L'Esprit se posa sur Jésus d'une manière particulière. Les prophètes de l'Ancien Testament furent inspirés pendant un temps, mais Christ fut rempli de l'Esprit en permanence. Comme un printemps perpétuel, l'Esprit remplirait les croyants de la puissance divine. Jésus et Jean se tenaient côte à côte sur les bords du Jourdain. Les cieux s'ouvrirent alors, et j'en vis le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe blanche dans le ciel bleu, symbole de paix et de douceur. Cet esprit descendit non sur le Baptiste, ni sur les repentants, mais directement sur Jésus, preuve positive pour le Baptiste que le jeune Nazaréen était plus grand que tous les prophètes et les créatures. Le Baptiste savait que Dieu se tenait devant lui, l'Éternel que l'on attendait. Le Baptiste fut certainement rempli de louanges et de joie, comme lors de la visite de Marie à sa cousine Élisabeth. Jean se trouvait alors dans le sein de sa mère, et il avait tressailli d'allégresse. Luc 1, 36 à 45. Le Baptiste a reconnu Christ comme le dispensateur de l'Esprit. Il n'a pas gardé cette découverte pour lui, et l'a annoncé publiquement en criant « Le Seigneur est arrivé, il est présent, non pour juger, mais pour manifester l'amour et la bienveillance. Ce n'est pas une personne ordinaire, mais le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit. Celui qui reconnaît que Jésus est Esprit de Dieu, confesse en même temps qu'il est le Fils de Dieu. » Il a expliqué ainsi le but de la venue de Christ. Baptiser les repentants du Saint-Esprit. Dieu est Esprit. Son Fils est Esprit de Dieu fait chair. Il lui plaît de remplir ses disciples de cette réalité divine. Dieu est amour. Chers frères, avez-vous été remplis du Saint-Esprit? Avez-vous expérimenté la puissance de Christ dans votre vie? Cette qualité divine devient vôtre une fois que vous acceptez le pardon des péchés par la foi au sacrifice de Christ. Celui qui accepte ce pardon de l'agneau de Dieu est rempli du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu est prêt à distribuer ses dons spirituels à tout croyant. Prière. Fils de Dieu, nous t'adorons et te louons. Tu t'es humilié pour nous et tu as porté nos péchés. Nous te remercions pour le pardon que tu nous as offert en versant ton sang sur la croix. Nous te remercions aussi pour la puissance de ton Saint-Esprit répandu sur nous et tous ceux qui t'aiment. Réveille tous ceux qui dorment dans leurs offenses et leurs péchés. Renouvelle-les et remplis-les de ta vérité. Question 19. Pourquoi Jésus devient-il le dispensateur du Saint-Esprit? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.